Dialogue, une chaîne de montage chez Renault. Écoutez. Nous sommes donc maintenant devant les presses d'emboutissage qui produisent en série les différentes parties des carrosseries. Elles seront assemblées dans l'atelier à côté. Je vous emmène voir les cuves où la carrosserie subit un bain anti-corrosion. Si vous voulez bien me suivre, nous allons nous diriger vers l'atelier de peinture. Puis, avant de vous quitter, nous passerons par le contrôle où les voitures subissent toutes sortes de vérifications avant de passer sur les pistes d'essai. Répétez. Nous sommes donc maintenant devant les presses d'emboutissage qui produisent en série les différentes parties des carrosseries. Elles seront assemblées dans l'atelier à côté. Je vous emmène voir les cuves où la carrosserie subit un bain anti-corrosion. Si vous voulez bien me suivre, nous allons nous diriger vers l'atelier de peinture. Puis, avant de vous quitter, nous passerons par le contrôle où les voitures subissent toutes sortes de vérifications avant de passer sur les pistes d'essai.